Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Simon Fitzbay pour parler de la mort d'Elvis Presley dans sa chronique Paul is Dead. Mais en même temps, on enterre le mercredi aussi. On enterre le mercredi. Ok, ouais, je la comprends. Là. Bonjour et bienvenue à cette dernière édition mercredienne. Ah oui, mercrediaque. C'est quoi l'adjectif au mercredi? C'est mercrediaque? J'aime ça, mon mercrediaque. C'est bon, donc c'est la dernière mercrediaque de la saison. Donc on enterre les journées une après l'autre là, depuis le début de la semaine. Lundi, on a enterré le lundi, donc il n'y aura plus jamais de lundi. Mardi, on a enterré le mardi, donc il n'y aura plus jamais de mardi. Mercredi, là, il n'y aura plus jamais de mercredi. C'est beau, hein? Il va nous rester juste la fin de semaine à la fin. Donc, c'est l'avant-dernière émission d'Assemblage requis dans sa formule actuelle. Oui, elle va avoir une autre formule très bientôt. Et ça, on ne vous en a pas encore parlé. On essaie de vous faire languir le plus longtemps possible. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour Assemblage requis? Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous saurez quand ça sera le temps comme dans le temps. Comme quand on traversera le pont, quand on arrivera à la pagaie. C'est ça qu'ils disent. C'est ça. Aujourd'hui à l'émission, on a quand même une émission régulière, comme tous les mercredis. Pas très différente, en fait. On reçoit, mais tellement excitante, par oui. contre. Oui. Oui, oui. Parce qu'on reçoit Simon Fitzbay, comme tous les mercredis, qui vient nous parler d'un mythe du rock'n'roll. Et il a gardé un peu le meilleur pour la fin, on pourrait dire, ou un des mythes les plus connus, je pense. Il y en a tellement qui sont très connus, mais la mort d'Elvis. Je vais mettre la banane sur le sundae. Sur le sandwich au beurre de peanut. Ouais. Parce qu'une banane sur un sundae, c'est pas mal une banane sur une banane. Balance une banane. Je sais. Moi, je suis pas familier avec les blagues. Je parlais d'une banane à split, en fait, mais bon, ça aurait été plus drôle si ça avait marché, ouais. Mais ça n'a pas marché comme blague. Ok, ouais, c'est ça. C'est rare que ça marche. Là. T'as comme pas dit le bon mot, puis là, tu pensais que tout le monde avait compris la bonne affaire, c'est ça? Non, mais parce que l'expression, c'est sur un Sunday, fait que là, je voulais faire une banane à split, mais ça n'a pas marché avec l'expression, ouais. Ok. On va recommencer ça. Hein. Ouais. Est-ce qu'on commence en musique, suggestion comme ça, comme si c'était pas ce qu'on faisait tous les jours depuis 120 quelques émissions? Ben, ce serait dur de faire le contraire. Qu'est-ce que tu suggérerais d'autre? De commencer le chronique tout de suite? Mais on n'en a pas. Ben non, hein? C'est drôle. Hey, je pense que je vais avoir un aveu à te faire tantôt, Mathieu. Là. Oh, t'as pas tué quelqu'un? Non, mais c'est quand même gênant. Comme, ouais. Ça te rapporte une banane à split? Ça pourrait. Okay. Ça pourrait éventuellement. Mais je t'en reparle un petit peu pendant qu'on écoute. Je vais t'en parler pendant qu'on écoute. Bon, donc t'en parleras pas à nos requins. Donc tu m'écouteras pas vraiment non plus puisque tu vas écouter la pièce suivante, Oh My Heart, du groupe Mother Mother. On écoute ça tout de suite à Assemblage requis. Est-ce que je suis le seul à penser aux requins ici? Ah, ben non, mais moi je pense à eux, les requins. Et à Francis Martin aussi. Saturday de Plus Kid à Assemblage requis. Oui, toujours l'émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h. On vous rappelle que c'est l'avant-dernière émission d'Assemblage requis et que demain, on va avoir une émission spéciale avec probablement tout le monde qui a participé à l'émission cette session-ci. Mm-hmm. Donc, une grosse partounette, comme tu as dit. Hein? Oui, c'est ça. Ben non, mais ça serait comme un pléonasme, je pense. Une grosse partounette. Oui, hein, ça marche pas. Parce que, tu sais, partounette, c'est comme un petit party. Donc, une petite partounette comme dans une petite partie? De plaisir? Non, un partounet, je dirais partounet. Un partounet? Ou masculin? Ouais. OK. Simon, je sais pas, y a-t-il un meilleur mot que ça? Moi, tant que c'est pas une partout, ça me dérange pas. Oh, ah, okay. C'est bon. C'était pas ça qui était prévu, justement. Je pense que ça va être too many dicks on the dance floor, à ce moment-là. Ouais, ça risque, hein? Tu l'as déjà fait, ça, par exemple, cette semaine. Ils disent un ratio de 5 pour 1. Je pense que si je compte, ben, ça fait plus que ça, moi. Donc, ouais. Ça fonctionnerait même pas. Même pas? Caroline, qu'on est pas chanceux dans la vie des fois. Ah, quand même, je trouve que vous boudez votre plaisir. On pourrait s'amuser tellement si les gens n'étaient pas aussi fermés d'esprit, c'est ça? Ah, ben oui. Mais moi, je suis très ouvert d'esprit, en fait. Moi parce aussi. Que justement, tantôt, je t'ai parlé de faire un aveu. C'est comme un genre de coming out que j'ai à faire, en fait, justement. C'est drôle que vous parliez de ça. Hein? C'était même pas prévu, mais ouais, je peux faire ça tout de suite. Vas-y. Faut que je t'avoue quelque chose, Mathieu. Depuis, c'est plate parce que ça fait quand même longtemps là, que j'avais l'occasion de le faire, là, que j'étais libre en matinée, mais c'est quand même tout récent. Depuis, je te dirais, une semaine ou deux. C'est dur à dire ce que c'est. Ça paraît, oui. Non, j'écoute régulièrement depuis, comme je l'ai dit, depuis une semaine ou deux, des Kiwis et des Hommes. Le matin. Ouais. Avec notre ami Francis Reddy et... Ouais. Et ce matin... Cardio. Ce matin, il y a eu vraiment... Une scène incroyablement douce et délicieuse. Tendre. Il y avait comme invité Guy Lepage qui était là, qui avait vraiment pas l'air d'être si heureux d'être là, je te dirais. C'est plus Radio-Canada qui le force à être là. J'imagine, par son moi, contrat, pour, moi, c'est ça, pour faire la pub pour son émission. Je sais pas, il y en a besoin. Ben oui. Puis c'est ça, t'as sûrement déjà vu une imitation de Marc Labrèche de Francis Redé. Oui. où il fait semblant d'être émerveillé partout, là, puis il fait des grands gestes. Puis là, il y avait un chef, il y a toujours un chef invité. Mais quand même, moi, je veux juste dire, avant, là, avant que les gens pensent que je fais juste rire des kiwis des hommes, je veux juste dire que moi, j'adore le concept de cette émission-là. Le concept, hein? Ouais, je trouve juste que à l'animation, sérieusement... C'est douteux un peu. C'est vraiment rough des fois, là, ouais. Je trouve. Mais bref, c'est ça, il y avait leur chef invité qui faisait une petite recette, puis là, il y avait tout le monde autour de la table, il y avait Guy Lepage qui était là, puis Guy Lepage avait un grand sourire, là, mais vraiment, il regardait Francis Reddy, il avait l'air crampé. Là, Boucardiouf, il dit « Pourquoi tu ris? » Mais il dit comme ça, pas fort, là, mais là, finalement, la caméra se tourne vers les autres, puis là, il faut comme « Pourquoi tu ris? » Il dit « J'aime juste ça, moi, voir Francis s'émerveiller devant tout. » Là, il l'imite, mais en ongle, là, il fait comme rire fun. De lui. Il se met à l'imiter. Là. Ah non. Là, Francis Reddy était comme un petit peu secoué par ça. Ben, il a vu la parodie, lui aussi, ouais, c'est sûr. C'est voyons, c'est un clair. Humain, là. C'est pas un robot qui a démarré Radio-Can. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a une certaine dose de sarcasme dans tout ça, mais après ça, Francis Reddy faisait semblant où il l'était possiblement un peu aussi. Mais il était comme hyper susceptible, frustré, là. Genre, il faisait exprès de ne pas réagir. Genre, il goûtait au miel, puis là, il disait « bof ». Correct. Oh, fait que là, il y avait comme un genre de malaise. C'était tellement bon. Ça rejoue, c'était ce matin, ça? Ouais, ça va rejouer ce soir. Oui, en reprise. Je sais pas si vont l'avoir édité. 23h30 ce soir à Radio-Canada. C'était vraiment délectable. Ben, ça doit, mais il aurait dû commencer à imiter Guilla. Je veux dire, Guilla est comme assez imitable ouais, aussi. Ouais, hein. Il aurait pu. Ouais. Mais c'est une question que je me pose toujours et je pense que je suis pas tout seul à me la poser. Pourquoi tout le monde chiale sur des kiwis des hommes et ça revient quand même à chaque année? Et moi, vraiment, je trouve que le concept est bon. Je sais pas si tu as déjà écouté un peu l'émission. Oui. OK, parce qu'il y a toujours un invité de la scène culturelle montréalaise, mais d'origine étrangère. Ouais. C'est toujours des artistes souvent qu'on connaît pas, mais qui sont quand même super intéressants et qui ont vraiment qui ont des carrières très concrètes. Là. C'est pas quelqu'un qui arrive et qui a joué une fois dans un open mic. Là. C'est vraiment des gens qui font carrière à Montréal, mais qu'on connaît pas, qui viennent de d'autres milieux culturels. Je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, aussi, juste le fait que ce soit au marché Jean Talon, je trouve ça beau. Moi, je trouve que c'est une belle ambiance. Mais franchement, là, puis même, tu sais, juste Boucard Diouf, c'est pas un animateur. Tu sais, j'ai rien contre lui. C'est un humoriste. C'est ça, c'est pas un animateur. Boucard. C'est pas un animateur. Puis, Francis Reddy, ben, il est devenu, je sais pas depuis quand, puis pourquoi, mais tu sais, aujourd'hui, c'est comme devenu un animateur. Mais, tu sais, à la base, c'était Pete, là. Il faut souligner aussi que Pete était totalement badass, puis Castor, il est ordinaire. Ouais, c'est ça, ça fait un peu. Quand tu regardes les deux, quand tu regardes le personnage de Pete et Francis Reddy aujourd'hui, c'est un peu schizophrénique. Ouais. Mais c'est ça, même si l'émission est bonne, puis que le concept d'émission est parfait, il me semble qu'à Radio-Canada, c'est un peu un total package d'habitude, puis je me demande comment ça se fait que ça réussit à être renouvelé quand même. Parce qu'ils ont tellement, en même temps, ils ont tellement changé souvent là, le co-animateur, donc là, je pense qu'ils se sont dit. C'est sûrement que les deux s'aiment bien, là, fait qu'ils ont dit OK, on touche plus à ça. En même temps, s'ils arrêtent les Kiwis des hommes, il va falloir qu'il y ait une autre émission de matinée comme ça, puis c'est tellement pas évident. T'sais, moi, sérieusement, si j'ai le choix entre ça ou deux filles le matin. Ouais. Hey, deux filles le matin, hein, Mélanie Ménard, elle s'en va là-haut. Ah ouais? Oh, hey, ho. Hein? Controverse ici, là. Ah ben. Eh ben, ouais. Moi, j'ai arrêté d'écouter quand la femme à Mario Dumont est allée, parce qu'avant, j'écoutais ça religieusement. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Mais là, ça avec la femme de Mario Dumont. Par principe, là, t'arrêtes ça, là, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Principe ça. Politique. Ouais. T'es tes principes pas mal, tu vois. Ouais, moi, je suis gars de principe. C'est ça. Bon. Donc. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Je vous dirais que tout à l'heure, vous l'avez entendu, il est en studio avec nous. Simon Fitzbé va parler d'Elvis Presley dans sa chronique pour les Dead. Éventuellement, si ça me tente. Bon, on verra. Oh, ouais, là, vous êtes fait, hein? Dépendamment de nos allégeances politiques, sûrement, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça, exactement. On fait un sondage tantôt, puis on verra. De toute façon, c'est pas comme si on avait besoin de toi. On a des tonnes de contenu dans cette émission-là, si c'est pas de nos chroniqueurs. Okay. On retourne en musique, on va l'entendre. Qu'est-ce qu'on va entendre, Kiwa? On va écouter un peu de Poxy, le groupe de Xavier Caféine. C'est quand même vieux, ça. Ça date de, je sais pas, 2002, peut-être? Ça date de l'époque si... Ah non, de 2004. Ça date de l'époque si de Poxy. Donc, c'est la pièce I Am Chemical ou Chemical. Chemical Romance. Mm-hmm. Ouais. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Let's go. You're going back to meet your man. take its toll. C'est avec More Than Television dans Assemblage Requis. Simon, un événement qui a lieu aujourd'hui? Oui, on m'a demandé de vous parler de finissants et finissantes en art plastique qui vont qui font leur vernissage aujourd'hui. En fait, ça s'appelle Distraction et ça a lieu à trois endroits particuliers, c'est-à-dire à 16h30 à la Galerie du Parc, à 17h15 à l'Atelier Silex et à 18h à la Galerie Cédas R3 qui est ici à l'UQTR. Il y a un autobus qui part à 16h15 du pavillon Benjamin Sult à l'UQTR. Et donc, vous pouvez également suivre de station en station. Mais si vous n'avez pas de voiture, vous décidez d'être aussi plus écologique, vous pouvez prendre l'autobus. Mais à ce qui se paraît, ça se remplit assez rapidement. Donc, si vous voulez y aller, essayez de le faire le plus rapidement possible. Donc, c'est aujourd'hui. Et les expositions continuent à la Galerie d'art du Parc, dis-je, le 2 mai. Le 7 mai, ça se termine à l'Atelier Silex. Et sinon, au R3, ça se termine également le 7 mai. Et donc, on retrouve plusieurs artistes qui font des vernissages. Finissant d'art plastique. Finissant d'art plastique de cette année. Est-ce qu'on m'a dit, il pourrait peut-être y avoir du vin, mais rien de confirmé. Donc, ça peut vous inciter à y aller. Ou amener votre propre vin au pire. Ou amener votre propre vin. Ouais. Votre flasque dans votre poche. Oui, ouais, ou tu sais, les petits cartons de vin, là, ça se passe bien comme une bouteille de jus, ça. Comme un petit carton de jus, ça. Donc, l'événement s'appelle Distraction. Distraction. Donc, laisse-moi deviner, il y a 10 artistes. Et effectivement. Pour en amener quelques-uns, en fait, c'est que j'arrive pas vraiment à lire les noms sur ce. Il y a Gaël. Mettez vos lunettes, M. Fitzbay. Oui. Donc, Gaël Bonassien, Shayna Bergeron, Edith Laperrière, Catherine Raymond et bien d'autres. Wow! Super Distraction. Soyez-y. On continue avec une petite pause et puis après ça, on revient avec Simon Fitzbay. Plusieurs détails sur Elvis Presley. Ça, croyez-le ou non, ça n'avait pas vraiment rapport avec Elvis Presley. C'était pas ça sa chronique. Là. C'est pas ça. Là. Ah non? Non. Fuck. Faut t'écrire quelque chose de plus. Ouais. Désolé. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est 89.1. La radio de la scène émergente. 89.1. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou. 89.1. Toujours Assemblage Rocky, émission du retour en pièces détachées. J'essaie de chanter la chanson parce que je la trouve tellement bonne. Et on remercie Valès Perrietta parce que je sais pas si on va se rappeler de le faire demain. Oui, on le remercie, puis surtout, on te remercie, toi, Mathieu, pour ton interprétation. Merci. Comme ça, à capella, sans réchauffement, rien, tu nous fais ça. Wow. Merci. Merci. Merci, c'est beau. Merci. Merci pour que j'arrête. Merci, hein, oui, c'est effectivement. Ça. Et juste avant d'accueillir Simon pour sa chronique Paul Z, on va... Oui, t'agaces pas mal aujourd'hui, je trouve. Hein? Ouais. Ben, qu'est-ce que tu veux, on va quand même aller écouter une pièce de Ron Chico Ron tout de suite. Ça s'appelle « Lifestyles of the Living Dead ». C'est malade, ça va. C'est ta toune, ça. Ah, oh, c'est bon. C'est ta toune. Pour vrai. Ouais, ouais. C'est ma toune. Ouais, on peut dire. Grand méchant, nous. Ah ouais. C'est peur, hein? Ben non, mais tu sais. T'aimes ça, cette pièce-là, Simon? Oui, c'est bon. Kiwan? Oui, c'est très bon. Que j'adore ça. C'est Run Chico Run avec Lifestyles of the Living Dead. C'est sur leur vieil album. Chachepo.

Je vais être là demain, également demain matin, également demain midi, également partout, tout le temps, n'importe où. Omnipotent qu'on t'appelle. Ouais. Simon Omnipotent. Simon Omnipotent. Tout est là, partout et nulle part en même temps. Here, there and everywhere. And oh, Paul McCartney, c'est bon. Ben, je savais même, je savais ça, moi. Je savais que c'était Paul McCartney qui. C'est pour ça que j'ai dit ça. Hey! Je savais pas partout. Oh, oh. Ben, je te l'apprends. Merci. On fait une pause. Tout de suite. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Le temps des plaisirs est fini. Le temps des plaisirs. 489. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou. 89.1. Come back to now into my arms. I want. On s'en montre des choses, on montre des affaires. C'était Winter Gloves avec I Can't Tell You. Oui, Winter Gloves, hein, qui était supposé partir en tournée européenne. Tournée, je ne sais pas si c'est juste en Europe, mais en tout cas, à l'extérieur. Il était supposé partir très, très loin avec You Say Party, We Say Die. Mais comme on sait, la tournée est probablement annulée à cause du malheureux incident qui s'est passé en fin de semaine dernière. Leur batteur, le drummer de You Say Party, We Say Die, qui est décédé sur scène vendredi dernier. Donc, c'est à peu près sûr que, même si c'est pas encore officiellement annoncé, je crois, mais c'est à peu près sûr que la tournée au complet va être annulée. La tournée qui était prévue pour le mois de mai. Là, c'était mois de mai et juin, c'était vraiment une grosse tournée. Mm-hmm. Donc, c'est dommage pour Winter Gloves, qui faisait la première partie. Donc, mais c'est sûr qu'en même temps, c'est sûr que ça arrive dans un événement dramatique. Mm-hmm. Mais, tu sais, je sais pas à quel point il était proche de... Bref. Donc, je pense que tu allais me dire que la tournée avait été annulée en Europe parce qu'en Europe, les choses tournent de l'autre côté. Puis, tu me demandais si ça a été difficile de tourner à l'envers. Ouais, ça aurait pu être annulé à cause des volcans, peut-être. Non, ouais. Non, c'est pas le cas. Trop dramatique pour faire des blagues là-dessus. Là. Vraiment. Ouais. Vous êtes Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Il nous reste une demi-heure ensemble à l'émission de ce mercredi. Et comme on l'a dit depuis le début de l'émission, ben, une fois que le mercredi est fait à Assemblage Requis, il n'y aura plus de mercredi. Donc, soyez soulagés de ça. C'est fini, ça. Je sais pas qu'est-ce que les requins vont faire mercredi prochain. Ça va être top. Difficile. Il va vous rester, j'irais, en général, à peu près une journée. Pour écouter du Assemblage Requis cet été. C'est des détails que, comme je saupoudre comme ça avec le temps... Soupoule, comme chic-a-chic-it. Évidemment, tu peux pas nous dire quelle journée ça va être. Hein? Chic-a-chic-it? Ben, c'est pas de vos affaires tout de suite. Là. Oh, OK. On va savourer nos moments ensemble, presser le citron dans de la barbouillette, là, Kiwan, hein? Hein, c'est bon? Ouais, puis Assemblage Requis va probablement aussi être la seule émission diffusée cet été qui est tirée d'une quotidienne, hein? Ah, OK, voilà. Non, mais la tienne va être tirée d'une quotidienne, mais elle n'aura plus le même rapport avec la quotidienne, vu que la quotidienne ou, revient pas après. Je sais pas, mais peut-être qu'il va y avoir une émission du retour aussi. Plus. Là, ça, vous parlez clairement ou vous dites plus rien, là, parce on comprend plus rien à ce que vous dites. Mais on trame des affaires, on traverse des affaires. C'est comme, gars, on est à Assemblage Requis, on a des outils, puis on se montre des affaires, c'est ça que je voulais dire, t'sais. Bon, des affaires qui ressemblent à des dildos. Ça dit pas la syllabe deal dans l'annonce. Non, c'est toi qui l'as compris comme ça. Ben, je sais pas, mais vous, ma soeur, Dill pickles. C'est ça. Je montre des dill pickles, Kiwan. Sur Kiwan. Sur Kiwan. Sur Kiwan. De Kiwan. À Kiwan. Pour Kiwan. Dans Kiwan. Hey, ça vous tente-tu d'aller écouter une nouvelle pièce de Mr. Valère, par hasard? Non, moi, je continuerai cette belle conversation. Ouais, tu veux te mettre les fesses à l'air, qu'est-ce que c'est? Bon, on va continuer d'abord. Eh oui, les pickles. C'est ça. C'est ça. Donc, une nouvelle pièce de Mr. Fesse à l'air. Non, continuez votre discussion. Ben là, on parlait de fesse à l'air puis de pickles. Je sais pas si on s'en vient trop vulgaire pour continuer à être à la radio. On n'est pas à Québec, toujours. Bon. On sait ce que je dis quand le mot vulgaire sort ici. Hein? Non. Non. Tu m'as jamais entendu dire. Vulgaire. Vulgaire. Hein? Oui, hein? Ben, je t'ai entendu dire vulgaire il y a 2 secondes. Vulgaire, sinon, ouais. Vulgaire. Okay. Vulgaire, ouais. Vulgaire. Ah, OK. OK! Donc, on va aller écouter la nouvelle pièce de Mr. Valère. Leur album va être lancé le 17 mai prochain. C'est dans quelques semaines. Comme un pickle lancé dans... dans une vitre de McDo. Ouais, pareil. Ouais. Non, l'album va être lancé en premier à Sherbrookeline, le 17. Puis après, il va y avoir des lancements un peu partout au Québec, Montréal, dans les jours qui vont suivre. Et il y a une pièce de cet album-là qui est disponible déjà, que vous pouvez écouter sur le myspace.com/Mr. Valère. C'est une pièce qui feature James DiSalvio de Brandvan 3000. Donc on écoute ça tout de suite, ça s'appelle Ave Mucho de Mr. Valère. Pickle. You know, you see, suppose we was to raise the bar. Take the parts and make them raw. Take the parts and make them whole. Flip it back to burn the soul. Making love on the telephone with the whole game watching. Turn around, say what these crazy fools doing. I turn my last back, they was looking over, but this crew still down. See, I was thinking we could work it out. We can bump this shit all over town. We gon' rock that hit, girl. Flip that script, girl. Get that paper, people bound. You know, we the ones that keep on reaching. Triple checking, downtown beacons up. Hold it now, that no school jeans in. We put the love in fantasy. When the beat drops, beats lock, that's when we go. When the beat drops and the beats lock,

Hulud Fang avec la pièce Promised Land. C'est un nouvel extrait, en fait, de leur prochain album qui va sortir dans les prochains mois. Ça fait déjà longtemps qu'ils disent c'est prévu pour début 2010. Finalement, ça sort jamais. Mais là, des spectacles qui sont annoncés. Ils vont être d'ailleurs au Divan Orange le 13 mai prochain à Montréal. Donc, j'imagine que s'ils recommencent à tourner des choses parce que le nouveau disque s'en vient bientôt. Ou qu'ils cherchent de la monnaie en dessous du divan. Oui, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, il y a deux nouvelles pièces qui sont très bonnes, dont celle qu'on vient d'entendre. C'est sur leur MySpace, au myspace.com/HoodedFang. Hearted Fang. C'est toujours Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. C'est moi toujours là. Oui, moi je squatte. Squat. Tu veux entendre ma chronique, c'est un fiche, les gars? Oui. Parce que t'aimes les choses qui sont véritables, véridiques et vérifiables, hein? Et que oui. Il n'y a rien de plus véridique et vérifiable que ce qu'on se dit dans la chronique, c'est un fait. Pas toujours. Parfait. Ouais, on va essayer. En tout cas, on va essayer de comprendre parce qu'il y a des faits qui sont tellement pas expliqués que c'en est ridicule. On dit que le sexe est le tranquillisant le plus sécuritaire du monde et que c'est 10 fois plus efficace que le Valium comme tranquillisant. Le sexe. Ça tranquillise. Ça a du sens quand même. Ça fatigue. Ça fatigue ouais, aussi. Il a quand même fallu qu'il mesure là, l'effet de relaxation du sexe par rapport à celui du Valium. Pour dire 10 fois, là. Ouais, c'est ça. C'est... Mais en fait, les Français appellent l'orgasme la petite mort. Donc ça a peut-être rapport aussi. T'sais. C'est comme si tu quittais ton corps. Donc peut-être qu'Elvis, dans le fond. Il était juste sur les toilettes en train de faire de se faire ça... plaisir sur la toilette. On se fait plaisir une fois semaine. On se fait plaisir en onde, c'est ça. On se fait plaisir en onde. On discute d'un nouveau slogan pour l'émission de Simon cet été. Ça, ça serait pas pire. On se fait plaisir en onde. Je prends en note. Note ça sur la table, c'est bon. Prochain beau petit fait d'hiver. On dit qu'on brûle. On parle toujours de sexe ici. On brûle environ 300 calories pendant une heure de sexe. Si on ajoute une heure de préliminaire, on ajoute 130 calories de brûlé. Donc ça fait 430 calories avec une heure. De sexe et une heure de préliminaire, mais préalablement, peut-être faire les préliminaires avant le sexe. Pour vous okay, donc le, ça veut dire que le coït est plus, dépense plus de calories que le préliminaire, c'est ça? Ça sent. Okay. Ouais, c'est, mais c'est une heure de sexe, on s'entend. Là, ça veut dire que, mettons, quelqu'un de normal, ça va être. Ça peut pas être 300 calories. Non, ça va être combien? Je sais pas. Si tu divises par. Divisé par 60. Mais là, divisé par 60, peut-être pas. Mais si tu fais, mettons. Ça fait 6 calories. 5 calories. Ça peut aller à 100 calories, mettons, pour un 20 minutes, plus sans préliminaire. Ou sinon, ben, avec préliminaire, ça peut être moins trop long. Trop de détails. Ben, je parle pas de moi. Ah, ok, ok. Moi, un ami qui s'appelle Simon. Pas mal de calories. Ça se voit, je pense. Que je dépense beaucoup de calories. À la radio, ça se voit très bien. Istanbul. Istanbul en Turquie ou encore en Inde? En Inde. Ah! C'est une blague de pays, c'est la blague de géographie, toi. Ouais. Ou une blague linguistique, là. Ou une blague de viande. Et surtout très originale. Merci. Une blague charcutière. C'est ça. Donc, Istanbul en Inde, en Turquie, est la seule ville du monde qui est située sur deux continents en même temps. Lesquels, Simon? Ça serait l'Europe et l'Afrique. C'est ça. J'imagine. Oh, tu sais j'ai poché les deux. J'ai poché l'histoire et la géographie tellement que je me rappelle jamais c'est lequel qui est lequel. Ouais. Pas le meilleur à l'école. Tranche de vie. Tranche de vie. Tranche de dinde. Oh, ouais. Tabarnouche. Le chocolat allemand, tu sais, German. Ouais, German. German chocolate. Le gâteau au chocolat allemand, donc le German chocolate cake ne vient le pas... Le chocolat germain. Non, le gâteau au chocolat allemand, ce qu'on appelle, en tout cas, je sais pas si on l'appelle comme ça en français, à cause du fait que je vais vous expliquer qu'il va dire que sûrement qu'on l'appelle pas de même en français, okay. C'est qu'il vient pas vraiment d'Allemagne, non, il a été nommé après un Américain qui s'appelait Sam German. Oh! Oh, hein, controverse ici. Ta-ta-ta. Sam German. Sam German. Sam allemand. Salami. Dinde. Je vais consommer mes blagues de viande tout seul. Sandwich. Sandwich va être encore meilleur, par exemple. Celle-là, j'aime beaucoup ça. Tous les mois qui commencent un dimanche vont toujours avoir un vendredi 13. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir si un mois va avoir un vendredi 13 et si le mois débute un dimanche. Donc, ben le oui, premier c'est pas fou, ça. Est un dimanche. Pas fou, pantoute, je dirais. D'ailleurs, non, c'est pas vrai. Le prochain mois, celui de mai, commence un samedi. Samedi, ouais. Quel est le prochain mois qui va commencer avec un dimanche? Je dirais que c'est le mois de juin ou juillet. C'est le mois de d'août. Ah, Colin, j'étais à un mois près de mes deux prédictions. Et voilà. Prochain fait divers, toujours dans la chronique C'est un fait, où on se ramasse des informations tellement pertinentes à raconter autour d'une machine à café cet été, à votre travail ou à l'extérieur ou à l'école ou peu importe. On procrastine pour vous, donc vous pouvez étudier. Ça, c'est le slogan d'une de tes autres chroniques dans ton émission. Fait que là, par exemple, tu viens je te le prête, c'est juste 20$ de l'achat. Ok, merci. Parfois qu'on le dit, tiens, voilà. Ouais, merci. Voilà. Saviez-vous que vous connaissez le personnage de Rudolph, le Red-Nosed Reindeer? Rudolph, le petit reine au nez rouge. Hein? Ouais. Il n'y a rien à voir avec Noël du tout. C'est un magasin à grande surface qu'il a inventé pour vendre, finalement. Donc, c'est les magasins Montgomery Ward. Comment, Simon, tu veux parler? D'ailleurs, je parle. Non, mais tu sais, dans une de mes chroniques, justement, qui me coûte à peu près quasiment 15$ à faire. Là. À cause du stationnement. Oui, à cause du stationnement de l'université, c'est ça. Cette fameuse chronique-là, on va m'emmener, on parlait d'objets perdus et le Père Noël de la série Rudolph, en fait, du film Rudolph, a été un objet perdu dans un aéroport. En fait, Rudolph lui-même a été perdu, retrouvé par une famille. C'était une fille qui travaillait donc sur le plateau, qui l'avait ramené chez elle et maintenant il est dans un musée parce que c'est très important. Le vrai, le vrai de vrai? Le vrai de vrai qui était dans le film, pas vrai. Ouais. Okay. Mais c'était le seul qui était vrai dans le gang. Mais vous me rappelez que j'aurais dû demander aux enfants de se boucher les oreilles avant de débuter ce fait-là, par exemple. Parce que je suis en train de leur dire que ça a été inventé par un magasin. Bon, mais Rudolph, c'est pas. Ça n'a pas rapport, Rudolph. Ben, les enfants trippent dessus. Je connais pas les enfants, ce qu'ils veulent. Là. Ils veulent du Rudolph. Je suis pas un grand enfant. Donc, la chaîne de magasins Montgomery Ward ont demandé à Robert May d'écrire l'histoire de Rudolph pour qu'il puisse vendre une ligne de livres à colorier en 1939. May a écrit une histoire, un poème, dans le fond, qui était similaire à The Night Before Christmas. Son beau-frère, Johnny Marks, a écrit la célèbre chanson Rudolph the Red-Nosed Reindeer 10 ans plus tard. Malgré le fait qu'il était juif, ce qui est assez spécial, Marks a écrit plusieurs chansons de Noël, dont Holly Jolly Christmas et Rockin' Around the Christmas Tree. Le personnage de Rudolph et la chanson qui l'accompagne sont connus évidemment pendant la saison de Noël, mais par contre, fait encore une fois intéressant, ils sont tous les deux sous copyright, donc sous marque de commerce, trademark. Donc si on utilise le mot Rudolph, ben, le personnage, sans la permission de Classic Media, qui est la compagnie derrière les films en stop motion de Rudolph, c'est contre la loi et ça pourrait amener une poursuite. Oh. Mais ce qu'on vient de faire, c'est-tu considéré comme avoir utilisé son nom? On n'a pas fait d'aventure avec lui. Si on lui avait donné une voix et qu'on avait commencé à faire un personnage avec lui. Ah, ok, là on serait dans le trouble. Il miaule apparemment. 3% de toutes les femmes enceintes vont donner naissance à des jumeaux ou des jumelles, ce qui est une augmentation de 65% par rapport à 1980. Une autre augmentation étrange, entre 1980 et 1998, le taux de triplés et d'autres naissances multiples, comme les quadruplés et quintuplés, les quintuplés, pas quintruplés, quand même, ont augmenté de 400%, et en 2003, 535 naissances ont amené des triplés ou plus. Quand même. Hein? Hein? Vos chances d'avoir des jumeaux augmentent avec l'âge. Quand même assez intriguant. À l'âge de 45 ans, il y a une chance de 17% que vous allez avoir des jumeaux ou jumelles. D'autres facteurs pour augmenter les chances d'avoir des jumeaux ou jumelles ou plus, ce sont bon, par exemple des drogues de fertilité, des médicaments pour la fertilité. Avoir d'autres jumeaux ou jumelles dans vos ancêtres derrière vous. Avoir un index de masse corporelle de 30 ou plus. Être dans le 25e percentile ou plus. Là, je ne sais pas comment on appelle ça en français, en tout cas les plus au sommet de ça, pour la grandeur, les gens les plus grands. Là. Ou encore venir du Niger, parce que le taux, là, c'est bien Niger qu'on dit? Niger, Nigeria, Niger? Ouais. Ah, les gars. Le taux là-bas est de 2 jumeaux, un paquet de jumeaux jumelles, à chaque 22 naissances. Donc, si on est un grand Nigérien obèse, on a pas mal des chances d'avoir... Et voilà. Et bonne chance. Et que vous avez des jumeaux jumelles dans vos ancêtres. Ça pourrait être comme 5-6, le carré. Certainement. parlons de French kissing. Ouais. Comment est-ce qu'on appelle un French kiss en France? Évidemment. Un baiser. Avec la langue. On dit tout simplement un baiser avec la langue. Ben, il me semble qu'on dit un baiser avec la langue, quelque chose de genre. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit un French en France? Bon. Ben, sûrement que s'il y a bien une place qui utilise un mot anglais, ça doit être en France. Probablement, ils vont choper pour un French dans le parking. L'acte de faire du French kiss, là, un baiser avec la langue, a différents noms dans différents pays. Par exemple, aux États-Unis, on appelle ça un French kiss. On appelle ça comme ça aussi en Inde, en Turquie. Au Chili et au Nigeria, ou Niger, mon père. Au Royaume-Uni, ils appellent ça du snugging. Je snug. Ouais. Est-ce que ça prend un snuggie pour... C'est ça, avec les bras. Les Français, ben, ils disent dans l'article que les Français appellent ça « baiser avec la langue ». Bon, d'accord. Où est-ce qu'on prend ça? Faites attention, par contre, quand vous offrez un French kiss en Autriche. Parce que dans ce pays-là, French kiss, c'est du slang pour une fellation. Voilà, French Kiss. Ils n'ont pas la même vision des Français, eux autres. Hein, c'est comme en France, hein, quand on dit un 5 à 7, je vais dans un 5 à 7, et ouais. Ça veut dire que tu vas dans la rue malfamée où les dames sont de mœurs légères contre quelques dollars. Oh! Donc, si vous allez en France, dites « je m'en veux un 5 à 7 » et les gens vont vous trouver bizarre. Allez à une petite soirée, une rencontre entre personnes. Ouais. Aussi, avec ironie un peu ici, en Inde, le French Kiss, on l'appelle souvent un English Kiss. Pourquoi? Ben parce que souvent, on voit ça dans des films anglais et plus que dans des films indiens, on appelle ça un English Kiss. Et puisque c'est une colonie anglaise, j'imagine, qui aime bien taquiner les Anglais. Et en fait, je crois même que t'as pas le droit de t'embrasser sur écran en Inde, dans les films indiens, en fait, parce qu'ils ont les mœurs très, très, très rigides là-bas. C'est assez intense. Est-ce que vous êtes prêts pour quelques petits derniers? Oui, non, vas-y. Mais vas-y. Bon. Non, vous n'êtes pas prêts? Je dis non, mais vas-y quand même. Non, d'accord. C'est pas comme si on attendait après ça. Mais... C'est ça. Tellement de belles choses à dire. On vient avec un dernier de bord. Vous êtes si pressés que ça. En 61 ans, les 24 lapins qui ont été introduits en Australie pour le sport, ils jouaient un certain sport avec ça, bon, peu importe. Hein? Avec des lapins, je sais pas. Je pense que c'était pour les chasser. En fait. Ils disent « for sport », genre pour le fun, plus que pour le sport. C'est la traduction de ma part qui était douteuse ici. Donc, pour la chasse, en 61 ans, les 24 lapins qui ont été amenés en Australie ont augmenté à 400 millions à l'intérieur de 61 ans. C'est pour ça qu'on dit « c'est comme des lapins ». À chaque année, ces animaux qui n'étaient pas natifs d'Australie ont causé des millions de dollars de dommages aux légumes dans les champs, les « crops », qu'on appelle. Un pionnier nommé Thomas Austin a amené les lapins en Angleterre à sa propriété en Australie pour les chasser. Les lapins se sont reproduits tellement vite que 10 ans plus tard, 2 millions de lapins ont été tués annuellement sans aucunement changer la population de lapins. Donc en tuant 2 millions, ça ne changeait rien au nombre de lapins en tout qu'il y avait. C'est assez incroyable. Ça montre que le gars aussi n'est pas un très bon chasseur. S'il en a une vingtaine pour les chasser, puis ils se sont reproduits. Ouais, vu de même. Parce que j'aime ça ce mot-là, le tartinage d'animaux, l'éparpillement, tartinage spread, spread comme du maple spread. Donc c'est le spread, là, l'éparpillement le plus rapide de n'importe quel mammifère au monde. Les lapins ont dévasté des champs de légumes, si on veut. Ils ont tué des jeunes arbres dans des vergers et ont contribué à l'érosion en creusant dans le sol. C'est ce que ça dit. C'est-à-dire que le problème de lapin était tellement affreux que les Australiens ont dû utiliser du poison, des bulldozers et des furets pour les garder au loin. Voilà. Des furets. Des forêts. Ouais. Forêts. Par contre, ça dit du bon côté, pendant la Grande Dépression, il y avait toujours de la nourriture qui était bien prête. Donc je sais pas si ça veut dire qu'ils mangeaient du lapin. Je comprends pas trop cette phrase-là. Oui, bonne chance. Bonne chance qu'ils mangeaient du lapin. C'est tout. Du lapin. Mm-hmm. Voilà, pour la collègue, c'est un fait. Vous connaissez des choses maintenant que vous allez pouvoir partager à vos amis cet été, parce que tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir des sujets de conversation. Moi, j'aime toujours ça, parler des lapins en Australie à mes amis quand j'ai rien à dire. Ben, je sais bien. Surtout de leur facilité à. C'est un bon sujet. À lapiner. À lapiner. Toi, Mathieu, si on te met en Australie, est-ce qu'on va retrouver plein de petites plantes un peu partout? Si tu me mets en Australie. Mais non, mais si on va te mener en Australie, est-ce qu'on va retrouver plein de petites plantes qui vont se promener un peu partout dans pas long? On parlera hors onde. Des petits plants. Des petits plants. Des petits plants. Ah, c'est un plan de. Ouais. Hey, on lâche pas, hein, ça achève cette émission-là. Il reste pas grand temps. On va aller écouter un nouvel extrait en fait du palmarès francophone qui va être diffusé demain. De 13 à 15 heures, donc c'est une nouvelle entrée, c'est la pièce « Devenir poisson ». Donc aucun lien, absolument aucun avec les lapins. Mais ça se mange? Le groupe s'appelle Achigan. Ça se mange? C'est assez rock, hein, je vous avertis tout de suite. Ouais, ça se mange. Puis quand il y a le mot « chi » dedans, tu peux censurer un peu. Oh, à tête bien. Ouais. Ça sera à toi de voir demain dans les palmarès. Ouais. Allez, on écoute ça tout de suite, Achigan. Purée, bâton! À défaite, dans le... À défectant. Le monde est déjà à la semaine de mes souliers. Encore quelques années, ce sera la mode du jean roulé. Si on attend un peu plus, je mouillerai mon chandail. Et là, mes amis, il me poussera des écailles. Mes yeux s'effaceront sur le côté de ma tête. Mes oreilles disparaîtront de la surface de mon être. Je deviendrai chaudé comme une dernière retouche. Mon nez viendra rejoindre ma bouche. Et je te... Je deviendrai poisson. deviendrai. Quand l'eau aura suffisamment étendu sa nappe, les minantis réfugieront sur leur yacht. Tous les peuples du monde envahiront le Tibet, le Kilimanjaro et les autres grands sommets. Vous ne serez pas surpris de voir José Bernard sur l'eau flotter sans canot grâce à l'air de son cerveau, comme les autres médiocres de l'humanité dont la bêtise sera enfin révélée. Je te... Je serai chargé d'espoir de voir bâtir un monde nouveau comme un nouveau départ. Je voyagerai partout dans cette sublime soupe et percerai le fond des chaloupes. Je mordirai les orteils des baigneurs, j'enrayerai les hélices des moteurs. Pleureront bien fort leur monde idéal et leurs larmes gonfleront encore le On aime ça, on aime beaucoup. En tout cas, si tu te poses la question, Simon, moi, c'est par choix. Que t'es poilu. C'est par choix. Ouais. Pas ma religion qui m'impose d'être comme ça. C'est bien, ça. Ben, ça te va bien, moi, je trouve. En tout cas, je veux dire, depuis le temps que je te connais, là, tu t'es vraiment... Amélioré, non? Donc, il est clean. Ça, depuis le temps de tes photos Facebook, en tout cas, je peux te dire que tu t'es pas mal amélioré avec ta moustache puis ton pad... Tes grosses lunettes. J'ai encore des lunettes, un moustache. Ben, c'est ça, je dis. Tu t'es amélioré avec j'ai encore tout. Non, mais ta moustache, ton pad, tes lunettes se sont améliorées, disons. Il est fier de son sinon, pad. Ça n'a pas changé. C'est comme un work in progress, tout ça. Toi-même, ta personne est une work in progress. Non, mon pad. Ah, ok. Hey, on vient d'entendre Rachigan avec Devenir Poisson. Ça va rejouer ça demain dans les palmarès, dans les nouvelles entrées du palmarès francophone dès 13h avec Mathieu. Très hâte. Ça va être la dernière émission du jeudi pour les palmarès, c'est fou en passant. Et c'est la dernière émission du mercredi qui se termine aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Non, mais il reste... Oui, il reste celle du jeudi demain. Demain, ça va être notre dernière ensemble, Kiwan et moi, donc ça va être très spécial. Et on va aussi recevoir tous les chroniqueurs de la session d'hiver 2010 qu'on termine demain. Donc tout le monde va être là. Simon Fitzbé, oui, va être là. Émilie Gauthier va être là. Oui. Maxime Lemieux-Henry, est-ce qu'il va être là? Oui, il va être là. Oui, en tout cas, tout le monde pas mal va être là. Stéphanie Gagné. On va mettre Émilie au défi de revenir habillée comme elle était aujourd'hui. Oui, elle était préparée pour son oral. Oui, elle était préparée pour son oral, c'est pas facile. Puis on vous y attend. On vous y attend. Oui, soyez-y à 15h demain pour Assemblage requis. Et on a des petites surprises. Fait que, genre, mettons pas trop de la barre haute, par exemple. Mais bon. Bouche-moi le col mou. Ouais, c'est sur ce. Restez sur nos ondes parce qu'après la pause, après la fin de l'émission, il va y avoir Kiwan qui va rester avec vous pour la dernière porte à gauche. Oui, la dernière porte à gauche. La dernière porte à gauche. Vous mettez la ligne ou l'accent où vous le voulez sur le mot que vous voulez ce soir. Donc à demain, messieurs. À demain, porte à gauche. Kiwan. Hein? Comment? Salut Kiwan, parce qu'il nous a dit à demain. Tu continues à faire le fanfaron. Ouais, tu aurais dit salut aux requins et à Francis Martin. Là. Salut les requins, salut Frankie. Bye. Marty. Frankie Marty, mon Frankie Marty. Ah, on sait, c'est avec une petite pièce de Matt and Kim, Lessons Learned.